إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous allons inshallah donc commencer le cours numéro 2 des explications des 4 règles du Cheikh Salih ben Abdel Aziz al-Sheikh, hafidhahullah. Et nous avons donc commencé la semaine dernière avec le début, c'est-à-dire ce qui introduisait les 4 règles. Juste pour remémorer, inshallah, donc le matin, il se trouve sur le site là, que j'ai envoyé tout à l'heure le lien du site là, dans les messages. Donc sur le site internet, et vous pourrez donc télécharger le PDF, inshallah, ce qui est en arabe et en français. Et donc ce que nous avons vu, c'est ce que cette risale de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. As-salallah al-karim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salallah al-karim, rabbal arsh al-azim, an yatawallaka fi al-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. وأن يجعلك ممن إذا عطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Nous avons vu donc cette partie-là où l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a écrit: Je demande à Allah le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Et donc, nous avons passé du temps à détailler cette partie-là la semaine passée. Je rappelle donc que ces cours sur les 4 règles se font tous les mercredis, inshallah, après la salade du Maghrib. Et le dimanche à la mosquée de Lisieux, c'est à partir de midi 30, midi 45 jusqu'à la salade du Dhuhr. Et donc le dimanche, nous faisons donc les explications des 40 Nawawiyah. Donc cette partie-là, des 4 règles, où l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, donc commence par cette invocation-là. Et nous avons vu donc dans le détail les différents points, puisque ça nous a duré quand même une heure la semaine passée, Inch'Allah. Et le Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidhahullah, avait mentionné différentes fawa et différents bénéfices. On avait vu notamment que le fait que le Cheikh commence avec cette invocation-là pour celui qui l'étudie, qui étudie cette risale-là. Donc il demande à Allah, Azza wa Jal, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà, qu'il te bénisse où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur, car ces trois qualités sont les signes du bonheur. Il dit cela, et cela en introduisant par cette invocation-là, on avait vu que le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah avait mentionné que, eh bien, ceci, montre l'importance de la miséricorde, tout d'abord, l'importance de la miséricorde que doit avoir l'enseignant envers celui qui est enseigné, et qu'il ne faut pas dénigrer quelqu'un de parce qu'il commet tel ou tel péché, ou le rabaisser, mais plutôt avoir de la miséricorde, être miséricordieux envers lui. Et se rappeler ce que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, avait mentionné dans un dans un de ses livres, qu'il faut se rappeler que les cœurs sont entre les doigts du miséricordieux, et que si Allah Azza wa Jal avait voulu, tu aurais été comme celui qui pêche. Mais Allah Azza wa Jal t'a sauvegardé de cela. Donc, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'a sauvegardé de cela, t'a sauvegardé de ce péché, tu n'es pas tombé dans ce péché-là que l'autre se trouve noyé dedans, eh bien c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Et donc tu ne dois pas donc dénigrer celui qui pêche, mais au contraire, tu dois être miséricordieux envers lui et lui faire le conseil qui est sincère. Tu lui veux le bien. On se rappelle ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Supporte ton frère qu'il soit oppressé ou oppresseur. Et les sahabes ont répondu, on comprend au envoyé d'Allah que lorsqu'il est oppressé, on va le supporter. Mais lorsqu'il est oppresseur, comment va-t-on le supporter? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, en l'empêchant de faire le mal. Donc, dans les deux cas, on se doit donc d'être sincère envers nos frères et sœurs en général. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rabaisser l'individu lorsqu'il commet un péché, mais on se doit donc de se rappeler que si Allah Azza wa Jal avait voulu, on aurait pu na'amekhi. C'est le salon, la sunna, et sur le menhaj des salaf salih. Barakallahu fik, vous pouvez, barakallahu fikoum, cliquer donc sur le lien, jazakumullahu khair, du site internet, jazakumullahu khair, pour avoir de plus amples informations sur les cours et les khutab que j'avais fait, barakallahu fikoum. Donc, et vous voyez les savants donc qu'on mentionne, jazakallahu khair. Donc on se rappelle que, eh bien, si Allah Azza wa Jal avait voulu, on aurait pu être à la place de cet individu qui pêche. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas dénigrer quelqu'un lorsqu'il pêche, mais on se doit de lui ordonner le convenable et interdire le blâmable avec les conditions et avec sagesse. Barakallahu fikum. Donc ça c'est un des points que nous avons vu la semaine passée. L'autre point, c'est qu'on avait vu, il y avait une différence entre Alhamd et Ash-Shukr. Donc Alhamd, c'est le fait qu'on loue Allah, et Ash-Shukr, c'est le fait que on remercie Allah. On est reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc, on se rappelle une autre faïda du Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah qui a mentionné que Ash-Shukr, barakallahu fikum, que Ash-Shukr, eh bien, on remercie Allah Azza wa Jal pour le bien qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Pour le bien qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Donc, on est reconnaissant. Et on avait vu que comment peut-on être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Eh bien, cela se fait par la langue et se fait par les œuvres. Donc, par la langue, le fait, eh bien, de le dire, de remercier Allah Azza wa Jal. Et par les œuvres, eh bien, c'est d'utiliser ce dont Allah Azza wa Jal nous a donné en tant que bien, l'utiliser dans ce qui plaît à Allah et ce qu'Allah Azza wa Jal agrée. Donc, ça, c'est le premier point concernant le shukr, c'est-à-dire être reconnaissant, remercier Allah Azza wa Jal. Donc il se fait par la langue et par les œuvres, on avait vu. Tandis que le hamd, le fait de louer Allah Azza wa Jal, cela ne se fait que par la langue. D'accord ? Ça ne se fait pas par les œuvres. Et le hamd, contrairement au shukr, eh bien, le hamd, on loue Allah Azza wa Jal pour le bien qu'on a, mais également pour quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. On loue Allah Azza wa Jal dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions, on dit Alhamdulillah. D'accord ? Parce qu'il s'avère que si on se rappelle de ce qu'Allah Azza wa Jal dit, وَعَسَ أَن تَكْرَهُ شَيْءٍ وَاللَّهُ يَجْعَلْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et il se peut que vous détestiez une chose, mais Allah y placera énormément de bien. Donc, on comprend bien ici que la balance du bien et du mal, ce n'est pas ce que nous, notre raison, pense être bien. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on pense que, par exemple, une chose, on considère que c'est bon, donc automatiquement, Alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, automatiquement, eh bien, on la considère comme bien. Non. Pour savoir si cette chose-là est bien, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On la met sur le mizan du shara, c'est-à-dire sur la balance de la législation d'Allah Azza wa Jalla. Et on voit si cela a été légiféré, si cela est un bien, d'accord, on le considère comme un bien, d'accord. Mais il s'avère que, par exemple, il peut... cet exemple-là, ce que je viens de mentionner, concerne, par exemple, les mubtadi'a, les... Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Donc, jazakallahu khair. Donc, les mubtadi'a, les gens de l'innovation, par exemple, pensent que les innovations qu'ils font sont bien. Ils lisent le Coran en groupe, par exemple, ou ils font le dhikr en groupe, à l'unisson. Eux considèrent que c'est bien. D'accord? Alors, pour savoir maintenant si c'est bien, on se pose la question, il y a-t-il une preuve sur cela? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète avant moi excepté qu'il a transmis à sa communauté tout le bien qu'il connaissait pour eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis. Et comme dans le hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, dans une riwaya rapportée, dans une narration rapportée par Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Donc, si un individu fait un acte pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, lui, il pense que c'est bien, il n'a pas de problème dans cela. Pourquoi? Parce qu'il sent, il considère que cela est bien. Tout le monde le fait, etc. On a toujours fait comme ça. Dans notre pays, on fait toujours comme ça, etc. Donc, les gens pensent que la preuve, c'est la majorité. Mais la majorité n'est pas une preuve, puisqu'Allah Azza wa Jal dit « وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ » Si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc, le hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait un acte, une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. » Donc, ceux qui font ces actes-là, les dhikr en groupe ou la lecture du Coran en groupe par exemple, ou n'importe quel type d'innovation religieuse, eh bien cet acte-là est rejeté parce qu'il ne provient pas de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, même si l'individu, lui, considère que cela est bien, mais en réalité, selon la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est un mal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَ ضَلَلَ » Et que les plus mauvaises des choses sont les pires des choses sont les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toute chose inventée dans la religion d'Allah est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. D'accord ? Donc, entre parenthèses, ceux qui te disent certaines innovations sont bonnes, donc rappelez-vous de ce hadith-là, toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, s'ils disent pas toute innovation est un égarement, ils se doivent de compléter le hadith en disant, donc, pas tout égarement mène au feu de l'enfer. D'accord ? Donc, on voit l'égarement de ces individus. Donc, barakallahu fikum, pour revenir sur ce point-là, donc ce n'est pas le fait que nous on croit qu'une chose est bien ou mauvaise, ou bien une chose qui nous arrive dans la vie de tous les jours, d'accord? Ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Il se peut que par exemple, l'individu, il tombe malade, il considère cela comme une chose qui est mauvaise. Il est malade, il n'a pas de force, etc., etc. Mais de par cette maladie-là, ou de par le mal qui a touché le musulman, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comment est surprenant, pour être plus précis, l'état du croyant. Parce que le fait qu'il est touché par un mal, il loue Allah Azza wa Jal. Il dit Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que de par ce mal-là qui a touché ce musulman-là, eh bien Allah Azza wa Jal lui efface des péchés et l'élève en degré. D'accord? Donc nous, on peut considérer comme une chose qui est mauvaise, mais En fait, il y a un bien derrière cela. Wa asa an takrahu shay'an wallahu yaj'al fihi khayran kathira, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset, il se peut que vous détestiez une chose, mais Allah y mettra beaucoup de bien. Donc, on loue Allah Azza wa Jal dans toutes les conditions, que ce soit en bien ou que ce soit un mal qui est arrivé, on dit Alhamdulillah ala kulli hal, parce qu'il n'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. D'accord? Et si un mal arrive, eh bien, on se rappelle que l'individu, lorsqu'il est éprouvé, soit Allah Azza wa Jal l'éprouve pour l'élever en degré, parce que Allah Azza wa Jal a décrété que ce musulman-là aura tel degré au paradis, donc, mais les œuvres qu'il fait actuellement ne sont pas suffisantes pour atteindre ce degré-là, donc Allah Azza wa Jal l'éprouve pour le purifier de ces péchés-là et pour l'élever en degré, jusqu'à ce qu'il atteigne le degré qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Ou le deuxième point, c'est que on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé que les gens les plus éprouvés sont les prophètes et envoyés d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal, plus il aime son serviteur, plus il l'éprouve. D'accord? Et le troisième cas, c'est le fait que, eh bien, il se peut qu'Allah Azza wa Jal inflige une épreuve à un de ses serviteurs afin que ce serviteur se remet en question et revienne repentant vers Allah Azza wa Jal. Donc on voit la différence entre Al-Hamd, qui se fait que par la parole, et on loue Allah Azza wa Jal, que ce soit pour un bien, mais on loue Allah Azza wa Jal, même lorsqu'il y a un mal qui nous touche, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. On loue Allah, louange à Allah, dans tous les cas, dans toutes les conditions. Tandis que le shukr ne se dit que lorsqu'on reçoit quelque chose de bien, on remercie Allah Azza wa Jal pour le bien qu'on a reçu d'Allah Azza wa Jal, et le shukr se fait avec la parole, en remerciant Allah Azza wa Jal, et avec les œuvres, en utilisant ce dont Allah Azza wa Jal nous a donné, dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal, et dans ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. D'accord? Et le Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidhahullah, avait mentionné dans l'explication de cette invocation-là, qu'il te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé et repentant lorsqu'il est pécheur. D'accord? Eh bien, ces trois qualités-là, qui sont le titre ou les signes du bonheur, parce que le musulman, lorsqu'il tourne sur cela, sur ces trois-là, ces trois choses-là, eh bien, en fait, le Cheikh Salih Al et Cheikh Hafidhahullah avaient mentionné que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, de par cette introduction-là, par cette invocation-là, il met en exergue l'état du pur monothéiste. L'état du monothéiste, qui ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal. Il sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien cela provient d'Allah Azza wa Jal. Et il sait qu'il n'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc il ne se plaint pas aux gens, mais il patiente lorsqu'il est éprouvé. Et on avait mentionné, on continue de le répéter, que le fait de se plaindre, ce n'est pas être patient. D'accord? Mais il patiente face au décret d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Repentant lorsqu'il est pécheur. Il a commis un péché, il revient vers Allah Azza wa Jal. Et il revient sincèrement. Il espère qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ce péché. Afin, tout cela afin de se réformer. Et bien sûr, reconnaissant lorsqu'il reçoit. Et ça, donc, ça rejoint l'explication qu'on avait mentionnée préalablement. Donc, ceci est un résumé de ce qu'on avait vu. Inch'Allah. De toute façon, le cours est enregistré et il sera sur le site, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un résumé de ce qu'on avait vu donc la semaine passée, Inch'Allah, afin de se remettre en mémoire ce qu'on a vu. Barakallahu fik. Donc, on va continuer. Jazakallahu khair. Pour terminer en fait l'introduction, il dit wala budda lil muwahhid min al-ibtila. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Donc il dit le Cheikh Salih al-Sheikh wala budda lil muwahhid min al-ibtila. Fa sa'ala Allah lahu anna idha ibtuliya sabr. Donc il dit et il faut que le monothéiste eh bien reçoive des épreuves. D'accord? Il demande à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il est éprouvé, eh bien, qu'il ait cette patience-là. والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه. Donc les épreuves peuvent être donc pour terminer la partie donc de cette introduction concernant les invocations, ensuite nous continuons le matin là. Barakallahu fikum. Donc il dit, et les épreuves en fait elles peuvent être des paroles qui sont dirigées envers lui. Donc certaines personnes peuvent lui dire certaines paroles donc qui peuvent donc le nuire. Donc il peut être éprouvé par ces paroles-là. وَقَدْ يَكُونَ الْإِبْتِلَى مِنْ جِهَةِ الْبَدَنِ. Et le musulman peut être éprouvé sur son corps. Donc il peut être éprouvé de par des paroles que les gens disent à son encontre, ou bien il peut être éprouvé sur son corps. Pardon. وَقَدْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْمَالَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. Il peut être éprouvé également du côté de l'argent et autre que cela. قال وإذا أذنب استغفر. Et donc dans ce que l'invocation de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et lorsqu'il pêche, il demande le pardon, il est repentant, il revient repentant vers Allah. لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيئا من الإعراض ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر والله جل وعلا من أسمائه الغفور. ولابد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. Donc il dit le cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah concernant, et lorsqu'il pêche il revient repentant. Il dit parce que le monothéiste eh bien il a des choses qui font que il va s'opposer ou il va pécher, et il va donc tomber dans le péché de par des péchés mineurs, et personne n'est épargné de par cela. Donc, il tombe dans les péchés mineurs, ou bien il peut tomber dans les péchés majeurs. Et par exemple, les péchés majeurs banalisés au sein de la communauté, le fait de parler sur son frère ou sur sa sœur en son absence, de parler en mal sur elle ou sur lui, ou bien de mettre en conflit des gens, et aller voir un tel et aller voir un tel, et afin de les mettre en conflit. Donc ça fait partie des kabaïr. Ou bien, chez l'homme, le fait de laisser traîner ses vêtements sous ses chevilles. Ça fait partie des péchés majeurs. D'accord ? Donc, soit il tombe dans les péchés mineurs, soit il tombe dans les péchés majeurs. D'accord ? Wallahu jalla wa ala. Donc ce que j'ai donné, ce sont quelques exemples, hein. De péché majeur. Wallahu jalla wa ala min asma'ihi, et parmi les noms d'Allah azza wa jalla, c'est al-Ghafur, c'est-à-dire le pardonneur. Wala budda an yadhhara athar dhalika al-ism fi bariyatihi wa malakutihi. Et donc, sachant que l'un des noms d'Allah azza wa jalla, c'est le pardonneur, eh bien il faut qu'il y ait donc les conséquences de ce pardon-là sur sa création et sur son royaume. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار. Allah عز وجل aime de son serviteur qui est sincère, donc c'est son serviteur monothéiste qui est sincère, qu'il soit constamment dans la demande de pardon à Allah عز وجل, tout le temps dans l'istighfar. Il dit beaucoup, l'istighfar, il dit beaucoup astaghfirullah, d'accord ? Wala budda lil muwahhid min dhalika. Wal 'abd idha taraka 'azima al-istighfar ja'ahu al-kibr, wal kibr yuhbitu kathiran min al-'amal. Il dit donc le cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit Allah azza wa jalla, il aime de son serviteur sincère monothéiste qu'il fasse beaucoup d'istighfar. D'accord, qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal énormément. Et il est essentiel au monothéiste qu'il agisse de la sorte. Parce que si le serviteur délaisse cette œuvre importante qui est le fait de demander constamment l'istighfar, de demander pardon à Allah Azza wa Jal, eh bien c'est l'arrogance et l'orgueil qui vient à lui. Et l'orgueil et l'arrogance invalident beaucoup d'œuvres. C'est pour ça qu'il a dit ici, C'est pour ça que donc l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, il a dit ici, et lorsqu'il pêche, il se repent. Il demande à Allah Azzawajal donc de lui pardonner. Donc ces trois là, ces trois points qu'on a vus là, eh bien ce sont les signes ou le titre du bonheur. Et donc cela est indispensable que cela se trouve dans l'état de chaque monothéiste. Lorsqu'il pêche, il se repent. Lorsqu'il reçoit d'Allah Azzawajal, il est reconnaissant. Et lorsqu'il est éprouvé, il est patient. D'accord ? وَهِيَّ الشُّكْرَ عَلَى الْعَطَى La reconnaissance dans ce qu'Allah Azzawajal lui donne. وَالصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ La patience dans l'épreuve. وَالِسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبُ وَالْعِسْيَانِ Et la demande de pardon lorsque le serviteur pêche et désobéit à Allah Azzawajal. وَكُلَّمَا عَظُمَ الْعَبْدِ مَعْرِفَةً بِرَبِّهِ كُلَّمَا عَظَمَ هَذِهِ الثَّلَاثَ À chaque fois que le serviteur donne de l'importance à connaître et à une meilleure connaissance d'Allah Azzawajal, il a une meilleure connaissance d'Allah Azzawajal, donc cela vient par la science et la connaissance. Donc plus il connaît Allah Azzawajal, et bien plus cela, ces trois points-là, et bien seront importants, seront énormes en lui. D'accord ? وَكُلَّمَا عَظُمَ التَّوْحِيدِ فِي الْقَلْبِ عَظُمَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَ Et donc à chaque fois que le pur monothéisme devient de plus en plus grand et de plus en plus fort dans le cœur, eh bien ces trois points-là, c'est-à-dire la repentance lors du péché, la patience lors de l'épreuve et la reconnaissance lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui donne, eh bien lorsque le pur monothéisme grandit dans le cœur du serviteur, eh bien ces trois points-là sont plus importants chez lui. D'accord ? حتى يسير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. Donc jusqu'à ce que le serviteur, en arrive à ce statut-là, qu'il ne voit qu'Allah Azza wa Jal dans ses œuvres qu'il fait et dans ses besoins. C'est-à-dire, il ne s'en remet qu'à Allah, il ne revient que vers Allah. Et il sait que tout ne provient que d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et cela, bien sûr, cela tourne autour du pur monothéisme. Plus le pur monothéisme est fort, plus cela sera fort. Et lorsque le pur monothéisme est faible, ou la connaissance d'Allah Azza wa Jal, il connaît, et il ne donne pas de l'importance à cela, ou il ne connaît pas bien Allah Azza wa Jal, et bien cela sera faible. D'accord ? Et ce genre d'individu s'en remettra aux créatures au lieu de s'en remettre au créateur. D'accord ? Et c'est pour cela que l'on trouve les kofars qui, lorsqu'il leur arrive le moindre problème, ils ont envie de se suicider ou ils voient un tunnel noir. Donc pour eux, une personne qui se suicide la dernière fois, pourquoi ? Parce qu'elle laisse un mot en disant il y a trop d'impôts à payer, trop de taxes à payer, donc elle en a marre et elle se suicide. Vous voyez ? Parce que ils connaissent pas le but de leur création. Et donc le fait que d'être ignorant, là on parle du hal, vraiment de l'état de quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est-à-dire le kefir là, d'accord ? Alors voyez, lorsque le musulman ne recherche pas la connaissance, sans s'en rendre compte, il se met à ressembler aux kofars qui eux ne recherchent même pas la connaissance. Donc s'il agit, se met à adorer Allah Azza wa Jal sans science, il se met à avoir une ressemblance, il se met à avoir une ressemblance aux chrétiens. Et s'il connaît la vérité, mais ne l'applique pas, il a une ressemblance aux juifs, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc il dit, le shaykh, فَإِنْ غَفَلَ فِي ذَلِكَ كَانَ إِسْتِغْفَارُهُ لَيْسَ إِسْتِغْفَارَ الَّذِي لَا يُفَقِّهُ وَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ 100 مَرَّةٍ Donc il dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar plus de 100 fois de jour comme de nuit, subhanallah. Le jour et la nuit, il faisait plus de 100 fois l'istighfar, l'envoyé d'Allah. Et dans une narration dans le Sahih, dans l'authentique, أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. Eh bien, cela a été rapporté de façon authentique que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar dans une assise 70 fois. Il faisait 70 fois l'istighfar dans une assise. والموحد عليه خطر الغرور. الغرور لأنه من أهل التوحيد. Donc là, le Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidhahullah, mentionne ici une faïda que on se doit tous de bien comprendre, inshallah. Il dit, le monothéiste, eh bien, il peut se trouver en danger. Quel est ce danger-là? C'est le fait, khatr al-ghurur. C'est le fait de le danger de se méprendre. D'accord? Al-ghurur li'annahu min ahli at-tawhid. Il va se méprendre, il va se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que il fait partie des gens du tawhid, du pur monothéisme. Aw min al-muhaqqiqin li'ittiba' as-salaf. Ou bien parce que il est de ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Et donc ce qu'il y a, c'est que s'il se tient à cela en se disant que eh bien moi je suis un salafi, je suis les salafs, ou je suis des gens, je suis des gens du pur monothéisme, il risque de se méprendre s'il se tient à cela. D'accord ? ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل. Et si bien que, en se trompant sur cela, sur le fait qu'en se tenant à cela, donc il se tient sur cela, c'est comme en fait s'auto-apprécier. D'accord ? En s'auto-appréciant, eh bien, il risque de se tromper lui-même. De sorte que dans son cœur, il n'y aura pas cette humilité-là et le fait de se sentir, humble et de s'en sentir, humilié vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et non pas le contraire. Parce que, الذي يعلمه الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة. Donc il dit ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة. Il dit eh bien s'il tombe dans cette tromperie là qui est le fait de s'auto-apprécier, d'accord, il s'auto-apprécie et il a moins d'humilité envers lui-même, le fait que il pense qu'il est eh bien oui, je me tiens sur la voie des salafs. Oui, je suis un monothéiste, d'accord? Et s'il se tient sur cela, il risque de tomber dans le fait qu'il a moins d'humilité, il est moins humble, il est moins, il se sent moins, il a moins cette humilité-là vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alors que Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans son cœur, il sait comment il est. Eh bien, le problème, c'est que cela peut être une cause, eh bien qu'il aura du mal à utiliser ce moyen-là de tourner autour de ces trois points-là, la repentance lors du péché, la reconnaissance lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne, et la patience face à l'épreuve. وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله وشأن الله أعظم وطلب من عباده شيئا قليلا ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه. Et donc c'est pour cela. Donc cette wasila là, ce moyen là du pur monothéisme, Allah Azza wa Jal, eh bien, cela risque de diminuer dans son cœur s'il se tient sur cela, ou s'il s'auto-satisfait de cela. D'accord ? Il faut se rappeler que nul d'entre nous ne sait sur quoi il va mourir. Il faut se rappeler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait « Ya muqallab al-qulub, thabbat qalbi ala dinik » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, répétait plusieurs fois cette invocation. Oh Allah, toi, qui fait tourner le cœur, parce qu'en arabe, al-qalb, yataqallab, al-qalb, en fait le cœur, yataqallab, ça veut dire il se tourne. D'accord ? Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, fasse que mon cœur reste ferme sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cela plusieurs fois. D'accord ? Lorsque l'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même répétait cela plusieurs fois, qu'en est-il de nous ? Donc il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction, ni le fait de se dire c'est bon, alhamdoulilah, moi je suis là, ça y est, je suis sur la voie des salafs salah, je suis un pur monothéiste. D'accord ? Il faut tout le temps se rappeler que nul d'entre nous ne sait comment on va mourir. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et qu'on ne le sait pas, on ne sait pas, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit à ses compagnons, à ses sahabas, je ne sais pas ce qu'Allah Azza wa Jal fera de moi. Les sahabas ont dit, même toi ou envoyé d'Allah, il a dit même moi, excepté si Allah me couvre de par sa miséricorde. D'accord ? Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous maintenir sur la voie droite et d'augmenter notre connaissance. Et que la chose en fait, c'est de se rappeler, barakallahu fikum. Naam, tu peux l'écrire, inshallah, et puis s'il y a des questions concernant le sujet seulement, eh bien j'y répondrai si, inshallah, il y a la possibilité. Barakallahu fikum. Donc, c'est le fait, barakallahu fikum, c'est de se rappeler de ses péchés. On se rappelle de ses péchés. On se rappelle de ses manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On se dit que nous, regarde, on a du mal à se lever la nuit. On n'arrive même pas à prier de rak'at la nuit. D'accord ? On a du mal à jeûner un jour. On a du mal à faire le dhikr après la salat. On a du mal à faire, à jeûner, on a du mal à faire du dhikr même pendant la journée, on a du mal à faire les adhkar du matin et du soir. D'accord ? Et on peut continuer, etc., etc. Donc il faut se rappeler nos manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et non pas regarder ce que l'on fait. D'accord ? Même les sadaqa, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que jusqu'à ce que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite est donnée. Tu donnes, mais tu n'es pas en train de compter ce que tu donnes. Tu n'es pas en train de compter, regardez, il faut que je compte mes bonnes actions. Subhanallah. Non, c'est pas ça. C'est que malgré que ce que l'on fait comme bonne action, déjà on ne sait même pas si Allah Azza wa Jal va accepter cela de nous. On espère, parce que il faut que ce soit sincère vis-à-vis d'Allah et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais vous savez très bien que l'ostentation peut rentrer très facilement chez un individu. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, il a terminé ici cette partie-là de l'introduction, le shir, sahih al-shir. Il dit c'est pour ça là que l'état du pur monothéisme est très important. Je me dis que, inshallah bi'idhnillah, je vais juste terminer, barakallahu fik, et ensuite je vais revenir sur cette question-là, bi'idhnillah, barakallahu fik. D'accord ? Juste pour avancer, et ensuite on fera ça à la fin. Il n'y a pas de problème, barakallahu fik. Juste s'il y a des... Je vérifie en même temps, et puis, inshallah, bi'idhnillah, on répondra, inshallah, si il y a la connaissance nécessaire, bi'idhnillah. Donc, on voit ici l'importance du pur monothéisme, et on voit donc le danger et ce qui est mauvais et comme étant le polythéisme, la chose mauvaise qu'est le polythéisme. Et ce que mène le polythéisme, d'accord ? Donc, أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiya, et que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte, comme le dit Allah Ta'ala, dans la traduction du sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc lorsque tu sauras que qu'Allah t'a créé pour son adoration, alors Sache que l'adoration ne porte son nom que si elle est monothéiste, tout comme la prière ne porte son nom que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Tout comme l'impureté corrompt la purification. وإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc, et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme, l'associationnisme, se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer, tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qu'est l'association à Allah, au sujet duquel il dit, dans la traduction au sens du verset, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Et ceci se fera par la connaissance de quatre règles qu'Allah a énoncées dans son livre. Donc le shir, dans le sharh, dans l'explication de ce qui est mentionné. هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. Donc cette introduction, en fait, eh bien, c'est une entrée, en fait, pour les règles que l'on va voir, Inch'Allah. وأول ذلك أن الحنيفية. La première chose, c'est la حنيفية. هي ملة إبراهيم عليه السلام. C'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. On va voir dans le détail c'est quoi la hanifiyya. Wa ja'ala Allahu jalla wa ala Ibrahim hanifan. Donc la hanifiyya c'est en fait le fait de comme le cheikh va l'expliquer, de s'écarter de l'associationnisme et se diriger vers le pur monothéisme, c'est-à-dire être yani vouer le culte exclusivement à Allah azza wa jalla en se s'écartant. Donc en se désavouant de l'associationnisme. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal a rendu Ibrahim alayhi salam étant un pur monothéiste, celui qui adore Allah Azza wa Jal de façon sincère, exclusive à Allah Azza wa Jal, tout en se désavouant de l'associationnisme. Yani ma ilan an tariq ash-shirk ila tawhid al-khalis. Donc, ça veut dire quoi la hanifiyya? C'est le fait que il, comme je l'ai dit précédemment, donc il s'écarte du chemin de l'associationnisme en se dirigeant vers donc le pur monothéisme sincère. Donc la hanifiyya, c'est le fait de vouer exclusivement le culte sincère à Allah Azza wa Jal, d'accord, tout en s'écartant et en se désavouant de l'associationnisme. Wal hanifiyya hiya millatu allati مالت عن كل باطل إلى الحق. Donc la hanifiyya, c'est la religion qui s'est écartée de toute fausseté pour se diriger vers la vérité. وابتعدت عن كل باطل إلى الحق. Et donc s'écarte, s'éloigne de tout faux pour se diriger vers le vrai. وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام كما قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Donc dans sourate Ali Imran le verset 67. Donc il dit ici le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah, il dit donc la hanifiyya c'est quoi? C'est le fait de vouer le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal seul. D'accord? En étant sincère dans cela, tout en se désavouant, tout en s'éloignant de l'associationnisme et s'éloigner du faux et de la fausseté. D'accord? Eh bien cela, c'est la religion de notre père Ibrahim alayhi salam, comme Allah Azza wa Jalla le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset. Ibrahim n'était ni un juif ni chrétien. ولكن كان حنيفا مسلما. Mais il était entièrement soumis à Allah, yani musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. D'accord ? Donc ça c'est le verset 67 de sourate Al-Imran. وقال جل وعلا الله عز وجل تروادي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Et dans la parole d'Allah عز وجل de sourate An-Nahl, le verset donc 120 à 121, dans la traduction du sens du verset, Ibrahim était un guide. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. D'accord ? حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله. Donc la réalité de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, eh bien, c'est la concrétisation de ce que signifie La ilaha illallah. D'accord ? D'ailleurs, c'est quoi le sens de La ilaha illallah ? Vous pouvez l'écrire, Inch'Allah. Si je vous dis que signifie La ilaha illallah, vous répondez par ? A-t-il quelqu'un qui a la réponse ? Le sens, hein, je veux, Inch'Allah. Le sens de La ilaha illallah. On m'entend ? Un pour oui et puis deux pour non. Naam, ok. Maraklofi. Al-Muhem, la ilaha illallah, le sens, c'est nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. Donc ça, c'est le sens de la ilaha illallah. D'accord ? Donc il ne faut pas se tromper de ces prédicateurs aux portes de l'enfer. Parmi la secte des Ikhwan al-Muslimin, la secte des frères musulmans, qui ne connaissent rien de la Aqidah et qui ne donnent pas d'importance à la croyance et au Tawhid, et qui disent aux gens que la ilaha illallah, ça veut dire « il n'y a de Dieu que Dieu ». Ceci ne veut strictement rien dire du tout. Si vous entendez quelqu'un vous dire « il n'y a de Dieu que Dieu », sachez que cet individu est un ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Et c'est un égareur qui veut égarer les gens. Parce que déjà, si on ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, on ne s'avance pas dans la da'wa. Donc ça, c'est un conseil à la secte de Jama'at al-Tablir. Alors, attendez. Mon téléphone ferme l'application au bout de quelques minutes. Ça, c'est le frère Bekran. Toute vérité. Barakallahu fik, akhi Giovanni. Jazakallahu khir. Il a donné la bonne signification. Donc, ces individus-là, et c'est un conseil donc à la secte des Jama'at al-Tablir, ceux qui sortent là 4 mois, 3 jours. Donc, cette secte-là, c'est des innovateurs, des Mubtadi'a. Donc, il ne faut pas s'asseoir avec eux, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les suivre. D'accord ? Et ne perdez pas même un jour de votre vie à vous asseoir avec ces égarés qui ne connaissent même pas la ilaha illallah. Et ils disent c'est de croire sincèrement qu'Allah est le créateur. Mais ça, on en reparlera dans le détail, inshallah, bi'idhnillah. Donc, la réalité de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, c'est la concrétisation de la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. D'accord ? Comme قال جل وعلا في سورة الزخرف, comme Allah عز وجل a dit dans سورة الزخرف, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père, dans la traduction au sens du verset, et lorsqu'Ibrahim, alors ce verset il est important hein, parce que on l'utilise pour donner le sens de la ilaha illallah. C'est le verset, ce sont les versets 26, 27 de sourate Az-Zukhruf. Verset 26, 27 de sourate Az-Zukhruf. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Donc on se rappelle, hein, verset 26-27 de sourate Az-Zukhruf. Parce qu'en fait, le Cheikh va l'utiliser dans cette explication-là. On va terminer en fait sur ce point-là. Et Inch'Allah, la personne, barakallahu fik, qui avait posé la question, parce que lorsqu'il y a une coupure d'internet, la question a sauté. Donc si la personne peut réécrire, Inch'Allah, la question, c'est comme l'akhir. Donc, il dit, هذه هي كلمة التوحيد. Ça, c'est la parole du pur monothéisme. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Vous voyez ces deux versets-là de sourate Az-Zukhruf, 26-27. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez. Alors là, ça, on l'encadre, on le souligne. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Première partie. À l'exception de celui qui m'a créé. Deuxième partie. D'accord ? Eh bien ça, c'est la ilaha illallah. Innani bara'un mimma ta'budun. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Hadha huwa an-nusf alladhi huwa an-nafy fi kalimat at-tawhid. يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون. Il dit, eh bien, cette première partie là je désavoue totalement ce que vous adorez, c'est la première partie qui correspond, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est la première partie qui correspond donc à la négation. Dans la ilaha illallah, vous avez donc une première partie, la ilaha, c'est-à-dire nulle divinité digne d'être adoré en toute vérité. La ilaha, c'est la négation. On renie toute adoration pour toute divinité, d'accord, qui est adorée, excepté Allah. Ça, c'est illallah. C'est la deuxième partie. Donc, la première partie, le Cheikh Saleh al-Cheikh, hafidhahullah, mentionne que cette première partie, dans le verset, vous voyez, de Sourate Az-Zukhruf, donc le verset 26, « Innani bara'un mimma ta'budun »« Je désavoue totalement ce que vous adorez. » Ceci est... Barakallahu fikri. Donc ceci est la partie de la négation. D'accord ? On comprend bien ici que l'ilah, dans l'ilah, vous voyez, ilah, Alaha, c'est un synonyme de Abada. Al-ilah huwa al-ma'boud. La divinité, c'est ce qui est adoré. Donc, ce n'est pas le fait de croire que la ilah, ça veut dire qu'on renie l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah. Ce n'est pas le fait de renier les autres divinités, de dire qu'elles n'existent pas. Ceci est faux et ceci est une mauvaise compréhension de la ilah illallah. Parce que d'autres divinités sont adorées en dehors d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal les a nommées divinités dans le Coran. Donc, il les a nommées comme étant des divinités. Pourquoi ? Parce que les gens se sont mis à les adorer. Donc, en les adorant, eh bien, ils en ont fait des divinités. Il y a des gens qui adorent des pierres, c'est leur divinité. Il y a des gens qui adorent des vaches, comme en Inde, une vache coupe la route, elle reste pendant 4 heures sur la route, les voitures sont bloquées, mais personne ne doit la toucher, parce que pour eux, elle est sacrée, c'est leur divinité, ils s'en remettent à eux, ils invoquent cette vache qui broute l'herbe et qui finit dans un kebab. Mais pour eux, ça ne leur passe pas de problème, subhanallah. Donc, ça ce sont des divinités, les statues qui sont adorées en dehors d'Allah, Bouddha, tout cela, ce sont des divinités, car les gens les adorent, leur voue, un culte, leur voue, une adoration, la croix que les kofars de chrétiens adorent, ou lorsqu'ils adorent également Isa alayhi salam, lorsqu'ils adorent Jésus. Donc, eh bien, ceux-là, ce sont, ils les ont rendus en divinité, en rang de divinité. D'accord ? Donc, lorsqu'on lit la ilaha, ce n'est pas le fait qu'on renie l'existence d'autres divinités. Mais on se rappelle que ilaha, eh bien, la racine c'est alaha, et c'est un synonyme de abada. Donc, al-ilaha ou al-ma'boud, donc la divinité c'est ce qui est adoré. Donc en fait, ce qui est renié ici dans la première négation, la première partie de la ilaha illallah, la première partie qui est la négation la ilaha, c'est qu'on renie l'adoration qui est vouée à toutes les divinités. D'accord ? Et la deuxième partie, illallah, excepté Allah. On ne renie pas l'adoration qui est vouée à Allah. Mais on l'affirme. C'est pour cela que la deuxième partie, illallah, c'est l'affirmation. Donc on comprend que la ilaha illallah a deux parties. Une première partie qui est la négation. Et on trouve cela dans Surat Az-Zukhruf, verset 26. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Ça, c'est la négation et c'est ce qui correspond à la ilaha. Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. De toute façon, la semaine prochaine, Inch'Allah, mercredi, après, Salat al-Maghrib. De toute façon, on va avoir terminé là. Hein, si dans deux minutes, Inch'Allah, on termine bi'idhnillah. Donc, première partie, c'est la négation. La ilaha. Et illallah, yani illa alladhi fatarani. Excepté Allah. Excepté celui qui m'a créé. Donc on continue le verset dans Sourate Az-Zukhruf, verset 27. Excepté celui qui m'a créé. D'accord ? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi fa a'zama tafsir li kalimati at-tawhid huwa hadhihi al-aya haythu qala innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Eh bien, la meilleure explication de cette parole de monothéisme qui est la ilaha illallah, nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah, eh bien, son explication se trouve dans ces versets de Sourate Az-Zukhruf 26-27. D'accord ? Donc ça va faire une heure, là, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on va continuer, bi'idhnillah, la suite, mercredi prochain, après Salat al-Maghrib. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés et d'accepter nos œuvres et qu'il fasse que nos œuvres soient sincères pour lui seul et en conformité de la sunna et qu'il augmente notre savoir. Amin, barakallahu fikum. Donc inshallah mercredi prochain pour la suite de l'explication des quatre règles après Salat al-Maghrib et le dimanche vers midi 45 inshallah jusqu'à Salat al-Dhuhr nous continuons les explications des 40 nawawiyya. Barakallahu fikum. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم pour votre patience جزاكم الله خير